Camarade gamer, c'est Creepers. Camarade mélomane, c'est Ron. Et bienvenue dans la Beatsbox. Quand on s'est demandé avec Creepers quel allait être le sujet de cet épisode, bah on a regardé la période de diffusion, avec les fêtes de fin d'année, et puis on a regardé l'actualité. Et on a clairement choisi notre camp, celui de la joie et de la bonne humeur. On va donc vous parler de ces jeux qui, sans que vous vous en rendez forcément compte, provoquent une espèce de sourire béat sur votre visage quand vous commencez à y jouer, parce que les jeux vidéo, c'est pas forcément que des choses sérieuses et heureusement, c'est aussi un loisir conçu tout connement pour qu'on passe de bons moments. Alors préparez-vous à être joyeux, à être content et à sourire comme des petits gamins. Et c'est parti! Alors bizarrement, on n'a pas diffusé lors de notre émission Mario contre Sonic, que Mario avait gagné d'ailleurs. N'importe quoi, ok, bon. Et donc on vient d'écouter tranquillou une musique de Super Mario Odyssey, sortie sur la Nintendo Switch, le carton de 2017, hein, faut quand même bien le dire, la Nintendo Switch c'est une folie pure. Et donc Mario Odyssey est sorti au mois d'octobre, tranquillou, comme ça, et bah ça défonce. Faut dire les choses à un moment, monsieur, ce Super Mario Odyssey est une petite merveille au niveau du gameplay. Pas la peine d'essayer de me convaincre, je vais pas te contredire. Hein, ah non, mais voilà, Super Mario Odyssey, on est un peu... Parce qu'on fait une émission sur la joie, et c'est un peu le monsieur joyeux. C'est vrai. Parce que tout va bien. Dans l'univers de Mario. Alors des fois il y a un petit peu de brouillard parce que Bowser essaie de faire un petit peu de bomber le torse et de récupérer le royaume et d'emballer la princesse, etc. Mais globalement tout se passe plutôt bien pour notre moustachu préféré. Et c'est un jeu qui est rempli de joie, qui est rempli d'idées, qui tente de nous emmener un petit peu partout, de nous faire rechercher des choses par-ci par-là. Alors j'ai 2-3 petites réserves sur la direction artistique, mais l'essentiel est là, on prend énormément de plaisir à jouer à ce Super Mario Odyssey et la musique est juste merveilleuse comme d'habitude. Alors on est un petit peu, on n'est pas forcément dépaysé par rapport à ce que Mario nous avait proposé à l'époque, mais on a une ambiance un petit peu plus jazzy, je dirais, sur ce Super Mario Odyssey. Alors d'ailleurs la musique titre qui était diffusée un petit peu partout, bien sûr je ne me rappelle plus du nom, avec la dame qui chante comme ça, il y a même une pub où il y a des gens qui dansent dans tous les sens un petit peu à la Land. Je trouve que ça apporte une petite fraîcheur dans l'univers de Nintendo et là ça change un peu. Ça change un tout petit peu. C'est pas non plus complètement renversant, mais en tout cas ça colle bien avec tout ce qui se passe à l'intérieur du jeu et c'est un titre que je vous recommande chaudement pour les fêtes. Et on peut même jouer à deux avec des petits, on peut lancer la casquette comme ça, il y en a un qui dirige la casquette, l'autre qui dirige Mario. Enfin c'est vraiment un pur jeu, 100% plaisir, et c'était le titre parfait pour débuter cette émission. On reste dans les jeux colorés, cette fois avec un petit peu de drogue à l'intérieur. On vient de faire un petit tour sur la planète de Katamari Damacy. Vous savez, Katamari Damacy, voilà, enfin, vous voyez forcément. Donc, c'est une série de jeux qui est... C'est vrai, qui est complet, c'est un jeu de drogué. Ah oui, c'est un Creepers, voilà, je suis d'accord, c'est un jeu de drogué. Hein, dont le but, c'est de faire rouler une boule sur laquelle va se coller un maximum de choses. Et voilà, j'ai envie de dire. On est dans un univers avec des personnages qui ont des proportions assez fantaisistes, des tronches étirées dans tous les sens, il y a des couleurs partout, ça vomit la couleur tellement, tellement il y en a. Donc autant vous dire qu'on est dans un jeu qui est, là aussi, un jeu de la bonne humeur, de la bonne humeur un peu fofolle. Ah, c'est très japonais, hein. Très, voilà. très japonais. Et je dois dire que moi, c'est sur Xbox 360 que j'y ai joué. Alors, donc c'est, là, on vient d'écouter un morceau qui vient de Katamari Damacy sur PS2. C'était la suite. C'est pas un jeu auquel je peux jouer très longtemps non plus. Hein, parce que je dois dire qu'en termes de gameplay, c'est pas passionnant. C'est pas incroyable. Mais c'est difficile de pas être emporté par l'ambiance de ce jeu. Par toutes ces couleurs à l'écran. Et par ces musiques complètement folles. C'est très frénétique en fait. C'est ça. Et on en parlait avec Creepers là un peu avant l'enregistrement. C'est très très bien produit. C'est quand même des musiciens qui manifestement savent parfaitement ce qu'ils font, qui se réunissent dans des studios. Namco fait assez souvent ça. Et on a l'impression que eux-mêmes sont joyeux quand ils font l'enregistrement, que c'est une espèce de délire de professionnel. Mais en attendant, ça s'écoute super bien. Et même en tant qu'OST, en tant qu'album, les albums de Katamari, c'est super efficace, c'est complètement perché. Mais c'est toujours très très bien produit et du coup très agréable à écouter. Voilà, il me semble que c'est un bon représentant de la bonne humeur. Donc je trouvais que c'était pas mal pour ma sélection de commencer avec celui-là. Pour continuer, on va faire un petit bond dans le passé sur un jeu qui avait fait un petit peu polémique et qui nous explique que la guerre, c'est joyeux. On vient de s'écouter un petit peu de reggae, c'est pas souvent dans la Beatsbox, donc ça fait pas de mal. Et c'est le titre d'introduction du jeu Cannon Fodder, sorti en 93 sur Amiga, sur Atari ST, puis qui a été décliné ensuite sur à peu près tous les supports de l'époque. Hein. Il y avait de la Mega Drive, de la 3DO, c'est la version 3DO qu'on entend pendant que je parle, alors que c'était la version Amiga que je vous ai passée. Creepers me disait qu'il avait joué sur PC, donc comme quoi c'était ouais. Vraiment partout. Alors c'est un petit jeu dans lequel on dirige une escouade de soldats vus du dessus à qui on va donner des instructions pour qu'ils aillent un peu défoncer les ennemis en quelque sorte. Et au gré des parties, ils vont passer des grades, devenir sergent, général, etc. Et quand ils meurent, il y aura une petite tombe en haut d'une colline. Alors dit comme ça, ça ressemble à tous les jeux de guerre finalement. Mais c'est pas du tout l'approche qui a été prise par Cannon Fodder, qui est un jeu qui a été conçu dès le départ avec comme objectif de parodier la guerre, de s'en moquer assez clairement. D'où la chanson qu'on a entendue quand même, hein, qui est très claire sur la question. Et figurez-vous que ça avait fait un peu polémique à la sortie. Il y avait encore des gens qui avaient trouvé le moyen de trouver que ce jeu était sérieux et était une apologie de la guerre. Moi, je veux bien. Peut-être que c'est eux qui avaient légèrement un petit problème, je vois pas comment on peut trouver ça là-dedans. Par contre, tu vois, ils arrivent à faire une polémique sur un jeu anti-guerre. Par contre, t'as dû y avoir 20 millions de jeux de guerre. Et ça, c'est clair. Jamais rien eu du tout, mais bon, c'est pas grave. Ouais, c'est parce que celui-là, il est joyeux. Voilà, ça... Oh, vous êtes trop loups, les mecs, hein. Faut déconner. Ouais, ça... On a le droit de jouer avec la guerre, mais sans dire que c'est joyeux. Ah, bon, d'accord. Voilà, ça appuyait quand même bien l'hypocrisie. Et puis voilà, même cette musique, je la trouve super fun. Alors, je préfère la version Amiga Atari ST, parce qu'elle est un petit peu dirty, ça fait du coup un petit peu roots. Et donc, ça marche pas mal avec le reggae. Les versions trop propres fonctionnent un peu moins bien. Au passage, tiens, ça me revient d'un seul coup, quand le jeu est sorti, ça a été un des jeux de l'année quand même, en 1993. Hein. Il a un petit statut culte hein, quand même, Cannon Fodder. Si vous connaissez pas, allez jeter un petit coup d'œil, Cannon Fodder, vous allez voir ce que c'était qu'un jeu de l'année en 93. Ça va peut-être vous étonner un petit peu. voilà, enfin, en tout cas, j'avais envie d'en parler de Cannon Fodder, ça fait plusieurs émissions que je guette l'opportunité de le mettre. J'ai pu le placer, je suis content, je peux passer la main à Creepers qui va nous parler d'un jeu qui a toujours fait fureur avec les copains sur le canapé. Qu'on aime bien quand ça fait fureur dans les jeux de guerre. On vient tranquillement de s'écouter Super Bomberman 2. Alors, je pense vraiment qu'on est dans le côté joyeux. On se pose là. C'est-à-dire que c'est hyper entraînant, c'est un petit peu foufou comme ça. Et Super Bomberman, qu'est-ce qui apporte plus de joie qu'une partie de Bomberman? Ron était en train de me raconter une super anecdote où ils avaient joué à 8 dans la version Saturn. Et franchement. Sur un rétroprojecteur, c'était super. Est-ce qu'il y a mieux que ça? Alors, il y avait plein de petits jeux hein, comme ça en multijoueur qui sont juste excellents comme ça quand on est à plusieurs sur le canapé à pouvoir se mettre des mandales. Et c'est vrai que Mario Kart, Bomberman, Micro Machine, tous ces trucs-là, c'est juste des merveilles. Et moi, j'ai des excellents souvenirs de Super Bomberman 1 et 2 à l'époque. Donc, c'était sur Super Nintendo. On se faisait des après-midi entiers. Bah forcément t'étais là avec les gâteaux, le coca tranquille et puis on s'éclatait mais pendant des heures et des heures et des heures et des heures. Et Super Bomberman c'est un jeu qui est, enfin Bomberman même tout court, c'est un jeu qui est immortel. Il y en a des moyens, il y en a des excellents, il y en a des moins bons, enfin bref, mais c'est un jeu qui je pense va survivre tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je pense que toutes les consoles du monde auront droit à un Bomberman. La version Switch a galéré à la sortie, mais là maintenant elle est à peu près agréable à jouer, donc c'est. Il y en a vraiment sur toutes les consoles. Je me rappelle aussi de la version Xbox Live Arcade qui était fabuleuse parce que du coup on pouvait jouer en ligne etc, c'est clair, voilà, c'était formidable. On pouvait pas aussi gérer la caméra ou peut-être que je confonds sur un autre jeu, c'était peut-être non, je crois que ça n'a rien à voir, c'était le jeu de cartes Uno, je crois qu'on pouvait mettre les, oui, parce que ça me dit rien et, du tout, et on tombait sur des gens un peu chelous à la chat roulette. c'est une autre vision de la joie, tu vois. Oh mon dieu, c'est... Ouais, comment on dérive sur n'importe quoi. Mais en tout cas, voilà. C'est la joie roulette. En tout cas, Bomberman, c'est... je trouve qu'il n'y a pas mieux quand tu fais une soirée jeu vidéo. Bah là, pour les périodes de fête, vous cherchez un jeu multijoueur, vous voulez vous éclater comme ça, plusieurs, même avec des personnes qui ne connaissent pas le jeu vidéo, et bah Bomberman... T'apprends à jouer en à peu près une minute 10. Tu comprends le système direct, tu te prends ta propre bombe dès le début, ça c'est... C'est apprendre les bases, ça. Mais un Super Bomberman, c'est de la boulette. Et je trouve que cette musique est hyper entraînante, hyper joyeuse. Elle colle parfaitement à l'ambiance du jeu. Est-ce que ça peut apporter lors d'une soirée entre amis autour de la console? Alors on reste encore un petit peu dans l'action, un petit peu dans la guerre, mais cette fois avec des cœurs partout. C'est un petit peu moins connu puisqu'on vient d'écouter un morceau tiré du jeu Lovely Planet, alors qui est un ovni complet que j'ai découvert par hasard parce que j'étais abonné à un système d'abonnement, forcément si j'étais abonné, où on pouvait recevoir en fait des jeux PC en version boîte. Et je me suis rendu compte que j'avais oublié de me désabonner à ce système, et je reçois une boîte à la maison, du coup, de Lovely Planet, avec plein de petits bonus à l'intérieur. Et quand je regardais la boîte, il y a plein de trucs complètement chelous, avec des trucs plein de couleurs, etc. Ça avait l'air complètement japonais. Et en fait, c'est un FPS qui vise le speedrunning. C'est-à-dire que les niveaux sont très très petits, il faut apprendre par cœur où aller pour faire le meilleur temps possible. Et ce qui est assez dingue, bah, c'est qu'en fait, on est dans un univers avec des cœurs, avec des nuages, avec des couleurs partout. Donc on tire, on ramasse des petits cœurs un peu partout, à la place des pièces ou de différents trucs comme ça. Et du coup, bah, on a une petite, un petit arc comme ça, puis on lance des espèces de petites flèches comme ça, avec des morceaux de guimauve au bout. Et puis on va pas forcément tuer les ennemis, on leur envoie des petits trucs. C'est du neuf. Et puis voilà, c'est un truc hyper naïf, hyper rigolo, hyper joyeux. Et la musique, du coup, bah, nous met vraiment dans l'ambiance. On est bien. On tire un peu dans le tas, mais c'est comme ça, c'est pour rire, c'est bien, c'est fun. On ramasse des petits cœurs et puis on est bien. Puis moi je cueille des petites marguerites à gauche, à droite. Et puis. Parce que moi je suis très mauvais dans ces jeux-là. Du coup, moi pour faire du speedrunning, c'est même pas possible. Et d'ailleurs, j'y ai rejoué pour préparer l'émission. Et c'est vrai que la musique est vraiment chouette. Et l'ambiance est vraiment bonne. Et c'est un tout petit jeu en fait. Il pèse quasiment rien. Il se trouve sur Steam, sur pas mal de plateformes de téléchargement pour les jeux. Et ceux qui aiment bien comme ça, faire des petits niveaux et puis arpenter des trucs comme ça, tirer un peu dans tous les sens, bah, ça peut valoir le coup, ça coûte pas cher du tout. Moi je vous le recommande en tout cas, c'est hyper joyeux, ça fait du bien, à la place d'avoir des jeux de guerre tout gris où on tue des nazis ou des gens, etc., où on sépare, on s'écharpe, on coupe les bras, les jambes et tout ce que vous voulez, même si c'est toujours rigolo de couper les jambes de nazis, ça faut quand même le dire de temps en temps. C'est quand même sympa, ça fait du bien. Mais en tout cas, Lovely Planet, c'est hyper cool, c'est vraiment agréable et c'est fun et c'est tout mignon. Alors je vous le recommande pour vous mettre de bonne humeur. Allez, j'en donne la parole à Ron et cette fois on s'enfonce dans les fonds marins. Et oui, enfonçons-nous dans les fonds marins avec Abzu, qui est sorti en 2016 sur PC et sur les consoles actuelles. Alors Abzu, c'est un jeu que j'ai croisé à l'E3 l'année d'avant sa sortie. On était ensemble. Et je dois dire que on était ensemble. Ouais. Tu te rappelles? Ouais, je me rappelle, c'était bien. On était joyeux. C'était bien. Alors on pouvait essayer Abzu. Il nous donnait des espèces de masques de poisson. Oui. Quand on avait. On avait l'air con. On avait l'air con. Mais bon. On était joyeux. Alors Abzu, c'est mon jeu layback de la sélection. Très honnêtement, il n'y a pas vraiment d'objectif, si ce n'est de passer à la zone suivante. Mais on est bien quand on joue à Abzu. On nage avec les poissons, on prend même possession des poissons de l'un à l'autre, on les suit avec les caméras, on essaye de passer dans les tunnels, on va au milieu des bancs de poissons, ça j'adore faire ça, je trouve ça vraiment chouette, ou dans les courants marins. En gros, on est bien quand on joue à Abzu. Quand le jeu se termine, on a juste l'impression d'avoir passé un bon moment. Et ça fait du bien, quelque part, aussi, d'avoir ça. C'est un peu le jeu feel-good moment, en quelque sorte. Ouais, pour se détendre, en fait. Exactement. Ouais. C'est un peu comme quand tu regardes un aquarium, finalement. C'est-à-dire, t'es là, et tu arpentes les niveaux, tu vois les poissons. Y a pas aussi des fiches qui t'apprennent des trucs sur les poissons, des trucs comme ça, ouais. Si, mais moi, comme j'ai pas envie d'apprendre des trucs. J'ai rien regardé, j'ai préféré nager dans les bancs de poissons, ça j'ai trouvé ça très cool. Mais voilà, j'ai rien appris de particulier. Alors la musique, d'Austin Wintory, qui est un grand professionnel que Creeper s'admire beaucoup, puisque je crois même que t'as un album dédicacé. Bah oui, quand ils ont annoncé le... Bon, j'ai super saucisse, hein, comme d'habitude. Quand ils ont annoncé le vinyle de Abzu, avant même d'avoir essayé le jeu, en fait, j'ai directement commandé parce que j'ai un peu confiance en le bonhomme. Et il y avait une version où il signait, en fait. Donc c'est une vraie signature. On voit que c'est pas du tout un truc photocopié. Donc j'ai une version signée de Austin Wintory de la BO d'Abzu en vinyle, qui est magnifique d'ailleurs. Après, on peut avoir confiance, comme tu dis, hein, le monsieur. On sait qu'il est fort dans ce type d'ambiance. Mmh. Il avait déjà fait les musiques de Flo et Journée, qui sont aussi un peu des jeux quand même contemplatifs, pas mal. Et cette musique, elle accompagne parfaitement ce qu'il y a à l'écran, donc on est bien quand on écoute la musique d'Abzu. Voilà, c'était le jeu de la détente, le jeu zen, le jeu layback de ma sélection pour cet épisode de la Beatsbox. On revient à quelque chose d'un petit peu plus dynamique, hein. Le layback, ça va 3 minutes, avec ma sélection cinéma pour cet épisode, et là aussi je vais aller faire un petit tour du côté du mignon et du joli. J'adore mon voisin Totoro. Alors, c'est peut-être un peu attaché à mon histoire, parce que moi, c'était un film que j'adorais regarder avec mes enfants quand ils étaient tout petits. On s'installait sur le canapé, on regardait Mon voisin Totoro. C'est un dessin animé où, très honnêtement, il se passe pas grand chose. On a juste une petite fille qui fait connaissance avec une espèce de gros monstre gentil, on va dire. Mais on a, je trouve que l'ambiance de ce film est absolument géniale. C'est tout ce qui est étrange qui est assimilé comme une normalité dans cet univers-là. Et tout le monde est amical. Il y a une certaine naïveté positive dans Mon voisin Totoro. Ce qui fait que on se sent bien quand on regarde ce film, même si sur le fond, il y a la maman de la petite qui est malade, on sait pas trop, etc. Il y a même des gens qui ont une compréhension du film qui est hyper pessimiste. Mais je veux dire que c'est pas mon avis. Moi, je sais qu'avec mes deux loulous, quand on était dans le canapé et qu'on regardait Mon voisin Totoro, bah, on était juste bien. Et rien que pour ça, voilà, ça méritait de passer dans la Beatsbox. Bon, c'est pas tout ça, mais si je ne me trompe pas, cette émission est diffusée pile entre Noël et le jour de l'an. Et si on prenait un morceau qui avait un petit air de fête ? Tous reconnus les sonorités de Noël, les petits grelots, les petites cloches, ça sonne un petit peu dans tous les sens. On vient d'écouter Christmas Nights, et oui, la version de Noël du jeu Nights, sorti à l'époque sur Sega Saturn. Et oui, c'est même pas Rune qui parle de la Saturn aujourd'hui. C'est fou. Et c'est un jeu que avec un joystick spécial. Et j'avais découvert ce jeu chez un ami, parce que moi, je n'avais pas de console Sega à l'époque. C'était pas ma religion. C'était pas moi. Voilà, la Sega, ce n'était pas moi. Et par contre, Nights, j'ai toujours été un petit peu attaché à la musique de jeux vidéo. Et du coup, la musique de Nights du premier m'avait marqué vraiment, je pense, à jamais. Tu vois, c'est la musique de Nights, j'adore la musique de Nights. Même si je trouve que c'est un petit peu vieilli, il faut être honnête aussi. Ouais, aussi, c'est un petit peu vieilli, c'est vraiment marqué années 90. Mm. Mais la musique de Nights, j'aime bien. Et quand il y a eu la version Christmas Nights, et ben, j'ai trouvé ça plutôt chouette. Parce que moi, j'aime bien Noël, j'aime bien l'ambiance de Noël, la neige, etc. Et toutes les petites réinterprétations comme ça de Noël dans le jeu, ça fonctionne bien. Je trouve que cette espèce d'add-on, à l'époque où il n'y avait c'est pas d'add-on... Peu fou. Ouais, c'est le concept un petit peu fou, ça fait penser aux épisodes spéciaux des séries exactement. Télé. Exactement, c'est ça, là vous avez les Simpsons, mais les Simpsons horreur ou Noël ou tout ce que vous voulez. Bah, il y avait Christmas Nights, voilà, c'est un jeu qui est devenu culte, mine de rien, parce que les fans avaient réclamé des suites. Bien sûr, ils ont fini par en avoir une qui était pourrie. Comme d'habitude. Donc, voilà, tout le monde était content, et du coup ils ont joué sur Wii en plus. Mais en tout cas, Night, moi c'est un jeu que je garde en tête parce que ça m'a fait passer des super bons moments avec la super manette analogique, etc. Et cette musique, bah, tout simplement, bah, c'est une musique de Noël, on est dans l'époque de Noël. Et ça me faisait vraiment plaisir de vous diffuser cette petite musique très très guirette avec ces petits bonhommes volants qui passent à travers des anneaux qui brillent. Enfin voilà, c'est juste incroyable. Donc on vient de s'amuser tous ensemble dans l'ambiance de Noël avec Christmas Nights, et on va passer maintenant à ma sélection cinéma. qui est un beau film qui, de surcroît, nous fait un peu espérer quand même que l'homme n'est pas si mauvais que ça. Ah, Rhône, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir parce qu'on va pouvoir parler de deux personnes que j'aime beaucoup. En plus de toi, forcément. Ah oui, voilà. Ça fait trois. Non, mais voilà, je sentais que ça allait venir. Donc, on vient d'écouter un morceau du film Le Terminal de Steven Spielberg. En plus, on est plutôt bien parce que le moment où on enregistre, il vient de fêter ses 71 ans. Oui. Donc, ça me permet de lui rendre hommage parce que c'est un réalisateur que j'aime énormément, qui a fait énormément de très bons films. Et je trouve que même s'il a eu des Oscars et tout ce que vous voulez, c'est un réalisateur qui est très sous-estimé. Encore souvent, je vois des qu'il y a une annonce de films de Spielberg que, Spielberg, gna gna gna, et même Le Terminal, justement, c'est un film qui est pas forcément apprécié. Pour beaucoup, c'est un film mineur, alors forcément, ça a pas l'impact d'un film comme Jurassic Park, mais moi, c'est un film, quand je le regarde, je sais que je pleure toujours. Il y a plein de passages où j'ai les larmes aux yeux, où je suis ému, où le personnage principal joué par Tom Hanks, moi, arrive à m'émouvoir énormément. Son Tom Hanks, c'est... Ce qui est bizarre avec Tom Hanks, c'est... j'ai l'impression que je vais faire pendant deux heures, la façon dont j'en parle. Mais ce qui est fou avec Tom Hanks, c'est que c'est un acteur qui, à un moment, en fait, il est tellement discret, ou il est tellement bon, en fait, qu'on se rend plus compte qu'il est excellent. En fait, c'est ça qui est génial, c'est qu'on oublie qu'il joue. C'est ça. Et alors que... surtout dans le cinéma américain, on a tendance à présenter comme de très grands acteurs des gens en soulignant des performances. Mais parce qu'il surjoue généralement. Tom Hanks, il a pas besoin. Moi, alors là, on est très raccord parce que c'est un type qui m'impressionne, qui a pas à la base, il a pas le physique pour être une star. C'est ça. Mais c'est une star parce qu'il est incroyablement bon. Mais et puis il arrive à te sortir une humanité. Il y a un truc de dingue quand il joue justement ces personnages. Il arrive à jouer en fait un homme normal, ce qui est super dur à jouer au final quoi. Et le personnage du terminal, donc il y a un homme qui reste bloqué dans un terminal d'aéroport pendant plusieurs mois ou plusieurs semaines, je sais plus, parce qu'en fait son pays est en crise et il ne peut plus du tout quitter le territoire et rejoindre son pays. Il se retrouve là coincé. Et donc il se passe plein de choses. Il y a un microcosme dans ce terminal là. Il va faire la rencontre de plusieurs personnes. Il va devoir affronter aussi un directeur du terminal qui est juste méchant. C'est joué par plein d'acteurs incroyables. Et il y a plein de scènes hyper émouvantes. Le moment où il va réussir à récupérer les médicaments pour le père d'un mec qui voyage d'un pays à l'autre, où il peut trouver que des médicaments aux États-Unis, mais les gens veulent refuser de lui le laisser passer. Enfin, il y a plein de moments d'une humanité. Un peu d'une naïveté, c'est clair, c'est un peu naïf, et moi je trouve que ça fait du bien. Et c'est le genre de film qui te refait croire en fait que l'homme peut être bon, ce qui est très très compliqué quand même quand tu regardes un peu tout ce qui se passe autour de nous. Et c'est ce genre de film là, moi je trouve ça fait du bien d'avoir un grand film comme ça avec un grand réalisateur, des acteurs magnifiques, c'est super bien écrit. Je trouve que la musique de John Williams, donc là on vient d'écouter un passage qui est juste superbe du film où en fait le personnage de Tom Hanks veut aller voir une star du jazz que son père idolâtrait, et c'est juste un super beau moment qui te fait sourire. T'as en même temps la petite larme, en même temps t'as le sourire, parce que le moment est juste magnifique. Et en plus c'est un film qui il y a des choses dont on s'attendrait au niveau de l'amourette, etc. Mais ça se passe pas forcément comme prévu, donc ça joue un petit peu avec les codes de la comédie romantique aussi. Ben voilà, moi c'est un film que j'aime énormément, que je vous conseille de regarder comme ça en famille ou en couple. C'est un très beau film, vraiment un film magnifique de Steven Spielberg, un réalisateur que j'aime beaucoup. Voilà, donc ça me faisait plaisir de pouvoir passer Le Terminal, qui est un vrai beau film plein de joie et d'humanité. Allez, on quitte Le Terminal et on retourne dans la guerre. Ouais, mais la guerre colorée. Creepers a raison, on parle beaucoup de jeux colorés dans cette émission, et peut-être qu'il y a un rapport finalement. Hein. Le monde n'est pas gris, on est là pour parler de joie, et donc on parle de jeux qui ont des couleurs. Et ce que je voulais, moi, c'est vous passer un morceau d'un FPS, parce que même dans un FPS, il peut y avoir de la joie. Donc c'est Team Fortress 2 qui est le candidat, un jeu qui est sorti en 2007 sur PC. C'est un truc de dingue, 2007. Complètement fou. Moi, j'avais découvert ça dans l'Orange Box, qui était sur Xbox 360, où il y avait, t'achetais un jeu et c'était la folie douce. T'avais Half-Life 2, Team Fortress 2 et Portal. N'étant pas très amateur de ce genre de jeu, parce que c'est du FPS en versus, bah, je l'ai vraiment essayé parce qu'il était compris dedans, et grosse surprise, je me suis mis à y jouer. Il se trouve que c'est un FPS qui est plutôt tactique, il y a diverses classes de personnages. Il y a des cartes qui sont construites sur un modèle très symétrique, mais ça marche très très bien. Il y a une ambiance assez folle qui s'installe tout de suite. Il y a un look très cartoon de tous les personnages, et du coup j'ai envie de dire qu'on se flingue dans la bonne humeur. Ce qui traduit ça va être aussi les musiques de Valve Orchestra qui ont enregistré ça. À chaque lancement, t'avais une musique qui sortait, qui était vraiment pas toujours la même. Y a toutes les ambiances qui sont représentées. Là, pendant que je parle, c'est une musique qui est fait plus un petit peu Titi parisien. Et celle que j'ai sélectionnée, c'est plus de la SF que j'ai mis surtout parce qu'elle me faisait penser à Men in Black. Le genre SF, il y a du danger, mais on sait bien que tout ça n'est pas très sérieux. Il y a tout le spectre qui est représenté, il y a de l'espionnage, jeu de mots avec spectre, oui je sais. Il y a différents folklores, enfin on a vraiment un petit peu de tout. Et c'est assez rare, je trouve, qu'on arrive à avoir un jeu qui est à la fois un vecteur de bonne humeur en étant un FPS et qui est conçu de façon aussi sérieuse et pointue que les FPS guerriers classiques. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Bien sûr, mais si on prend un peu de recul, c'est un peu Overwatch avant l'heure, mine de rien. Mais carrément, tu me coupes l'herbe sous le pied. C'est exactement le même genre d'ambiance, et Overwatch, il fonctionne sur les mêmes ressorts aujourd'hui. Hein, exactement. Donc, voilà, j'en ai terminé avec les FPS. Je vais revenir un petit peu cette fois-ci dans l'Heroic Fantasy pour un jeu qui est comme Spielberg, qui est beaucoup trop sous-estimé à mon goût. On vient d'écouter un petit morceau qui vient de Cameo Elements of Power, qui est sorti pour le lancement de la Xbox 360, donc en 2005, et oui, ça nous rajeunit pas. C'était Day One pour moi, mec. Ah ouais. Alors, c'est un jeu qui a eu une drôle d'histoire, hein, parce qu'à la base, si je me trompe pas, il était prévu pour Nintendo 64. Donc son développement a commencé depuis bien longtemps, et entre-temps Rare a été racheté par Microsoft, et c'est donc sur 360 qu'il a atterri. Et quand le jeu a été montré, moi je sais pas toi, mais moi c'est un jeu qui m'avait stupéfait. Ah mais moi c'était fait partie des titres qui m'ont dit oulala, mais moi je veux la Xbox 360 clairement, quoi. Bah voilà, bah c'est pareil, parce que ça défonçait visuellement. Ouais. Ça, pour moi, ça puait le très bon jeu. Et étrangement, il y a une partie des joueurs qui ont dénigré ce Cameo. Alors pour des raisons vraiment absurdes, hein, parce que Rare n'était plus chez Nintendo. Ah, il pouvait plus faire de bons jeux. Bah oui, c'est impossible. Quelle idée, et comment se priver d'un jeu aussi sympathique que ce Cameo ? Et j'ai envie de dire, raison de plus pour tous ceux qui se foutaient de tout ça et qui ont dit « moi je veux le jeu », comme toi, Creepers, ou comme moi d'ailleurs. Nous, ce qu'on a vu, un jeu super bien conçu, hyper joyeux, justement, avec sa galerie de personnages très cartoon, à nouveau. Ouais, les monstres, les transformations, etc. Ouais, c'était très chouette. Plein de gameplay différents, on s'ennuie jamais dans Cameo. Et en bonus, une OST absolument géniale, qui réussit à être à la fois comme une OST de dessin animé. Ah ouais, c'est un petit peu le morceau que je vous ai passé. C'est épique, hein, il y a des moments vraiment épiques dans l'OST. Et en même temps, il y a des moments qui sont complètement dingues, tellement ils sont épiques. Donc voilà, moi, Cameo, c'est un jeu que j'aime vraiment beaucoup, et je vois que encore aujourd'hui, je connais des gamins, quand ils mettent la console, ils mettent Cameo et ils relancent des parties, et même si on est à l'étape des Xbox One, des PS4, des PS4 Pro, One X, tout ce que tu veux, avec des tas de tétraflops, eh ben, un Cameo, ça fait super bien le job encore aujourd'hui. Tu sais quoi, c'est rare que je demande des suites, mais moi j'aimerais bien qu'à un moment il y a, tiens, hop, Cameo ressorte du chapeau et dit hop, on va tenter un nouveau truc avec les nouvelles machines, on pourrait avoir un dessin animé de dingue, quoi. Ça pourrait être un dessin animé de interactif de fou. Surtout que ça fait partie de ces jeux qui ont gagné en réputation au fil du temps. Mais oui, puis il y a un bel univers qui était installé, enfin, c'était vraiment chouette, donc vraiment une suite pour Cameo, moi je signe directement. Bon ben voilà, vous avez entendu, Creepers veut une suite. Ça, donc ça va se faire. Ah bah, j'espère bien. Allez, je laisse la main à Creepers pour le prochain jeu, et quand je dis la main, pour réussir à y jouer, il faudra même qu'il ait les mains. Les amis, là, je vois que vous êtes en train de remuer dans tous les sens. Et c'est normal, c'est normal. On vient d'écouter la version remixée par Junko Ozawa de la légende de Zelda dans Donkey Konga. Alors, Donkey Konga, c'est assez fou parce que c'était vraiment l'époque des jeux de rythme et tout. Et je suis tombé amoureux de Donkey Konga. J'y jouais souvent avec ma femme. Donc, du coup, on tapait sur les bongos en tapant dans les mains. Parce qu'on pouvait aussi taper dans les mains. Il y avait un petit truc, un petit capteur qui permettait de voir si on tapait dans les mains. Et c'est un jeu qui est hyper fun. Vous avez vu comme j'ai appuyé sur le... Hyper fun. C'est hyper fun. Non, c'est vraiment un excellent jeu. Il y a eu plusieurs suites. Ce qui était marrant, c'est qu'il y avait des versions japonaises, qu'il y avait des titres différents, il y avait des remixes de tubes en version un petit peu comme ça. Alors, je sais pas comment on peut décrire ce type de musique, parce que je suis pas vraiment un expert, un petit peu... Bah, c'est très festif. Ouais, c'est festif, voilà. C'est salsa. Les musiques... Voilà, voilà, salsa, c'est exactement ce que je cherchais. Et du coup, la légende de Zelda en version salsa, je sais pas pour vous, mais moi je trouve que ça défonce. Mais ouais... C'est hyper dansant, alors que pourtant, voilà, Zelda, c'est pas forcément les jeux les plus joyeux. Il y a des moments un peu joyeux, il y a des moments assez tristes, un peu plus épiques, etc. Mais c'est vrai que la légende de Zelda en version salsa, eh ben, ça le fait carrément. Et comme généralement aussi dans les périodes de fin d'année, je sais pas pourquoi, mais des fois à Nouvel An, moi je sais que je suis plus fan des moments où on va faire la fête avec des jeux, des choses comme ça, plutôt que des sorties en boîte où on va essayer de faire semblant de s'amuser alors qu'on comprend rien ce qui se passe autour. Oh, le vieux con. Je suis vraiment un vieux con. Non, j'ai vraiment plus tendance à jouer. Voilà, on prend une console, on prend des jeux de société, on boit un coup, on s'amuse et puis on tape sur les congas. Et bah, ce jeu est parfait. Donc voilà, si vous avez prévu de faire une petite soirée tranquillou, bon, il faut avoir une GameCube. Hein, c'est pas vraiment évident maintenant. Donc quel conga, voilà. Faut avoir les bongos aussi. Mais je vous les prête, je suis un mec sympa. Et c'est un jeu, bah, justement, qui apportera de la joie à vos soirées. J'adore ce jeu, j'adore cette musique, et je sais que vous allez adorer vous aussi. Alors on va passer à un jeu qui, comme ça, de loin, n'est pas super joyeux, mais j'ai réussi à trouver un petit morceau dans ce jeu-là, plutôt fun. We'll be right back. Alors que je vous vois déjà tous sur votre chocobo en train de remuer dans tous les sens, je sais que je viens de faire remonter des souvenirs absolument chaotiques de mon camarade Ron. Et c'est vrai que quand il en a parlé, je me suis un petit peu rappelé que ses passages étaient un peu pétés. Faut dire ce qui est. Puisqu'on vient d'écouter la musique Fiddle the Chocobo de Nobuo Uematsu, qu'on ne présente plus. Voilà, monsieur musique de Final Fantasy, monsieur musique de The Last Odyssey. Ouais, c'est ça. Le fameux RPG super bien, mais qu'on n'aime pas sur Xbox 360. donc voilà, c'est un grand monsieur de la BO de jeux vidéo. Et donc la musique Fiddle the Chocobo, bah, c'est une des rares musiques un peu joyeuses de Final Fantasy VII, qui est quand même un jeu qui est très pesant hein, au niveau de l'ambiance. C'était pas vraiment le jeu là. C'est pas la fête quoi. Hein, c'est pas la fête. Final Fantasy VII, on parle de génocide, comme ça. Voilà, c'est un petit peu violent. Et donc à un moment, ils ont dit non, marre d'être dans la merde. Tous ces gens-là, et donc ils vont dans un espèce d'endroit où c'est une espèce de grosse fête, hein. Il y a de la lumière partout, il y a plein de choses, et donc on a notre ami Claude, ou Claude, ou en fonction du pays où vous habitez, et là qui chevauche des chocobos, et là c'est la musique s'emballe, et c'est là où par contre Rhône fait la gueule. Ah ouais, parce que... vous raconter alors, son anecdote. Peut-être parce que c'est un peu pesant Final Fantasy VII, moi les courses de Chocobo, en fait j'y ai passé du temps, parce que je m'étais lancé un de ces défis de joueurs, vous savez on a tous fait ça, de se dire... non, je veux vraiment tout gagner. et je me suis mis absolument en tête de nourrir mon chocobo, d'en prendre soin, ah, etc. Fallait l'entraîner, tout, c'était une vraie merde. Et tout ça pour aller, donc cette musique, je l'ai entendue, mais des heures, quoi, à faire ces courses. Et j'arrêtais pas d'échouer. Et ça n'a aucun intérêt, en plus, à faire. Et à un moment donné, je m'en rappelle très précisément, finalement, j'étais devant la console et je me suis dit, mais est-ce que j'ai pas mieux à faire que... C'est ce fameux moment où tu te rends compte que tu perds ton temps. Je me suis dit, mais attends, je crois vraiment que je peux jouer à autre chose. Et ce qui fait que cette musique, finalement, c'est un peu la traduction d'un souvenir de vacuité. C'est un peu le néant, voilà. C'est... Et depuis, je déteste les chocobos, hein. Je peux plus les voir en peinture. Bon, moi j'ai pas encore cette aversion des chocobos parce que j'ai pas passé autant de temps que toi, je pense, sur ce passage là du jeu. Alors pour l'anecdote, moi donc Final Fantasy, moi je suis pas un gros joueur de jeux de rôle, et forcément c'était l'époque où j'avais eu ma PlayStation, où il y avait de la pub partout, et où j'ai acheté Final Fantasy sans vraiment savoir ce qu'était un jeu de rôle japonais. Et j'avais bien kiffé ma race, comme on dit chez les jeunes. Donc j'ai retourné le jeu dans tous les sens, j'avais passé plusieurs centaines sauf d'heures pour sur les ce chocobos. Titre, voilà. mais tu vois, moi j'avais pas gardé justement, parce que j'ai fait des courses vite fait, puis moi je suis passé toi, à autre chose. Toi t'as vu que ça n'avait aucun intérêt. Moi je suis pas un hardcore comme toi, tu vois. Et donc du coup j'ai parcouru le jeu vraiment tranquillement, j'ai vraiment beaucoup aimé, je l'ai fini, j'en garde un très très bon souvenir. Mais c'est vrai qu'on est, voilà, on n'est pas dans la joie, mais les musiques, elles sont vraiment magnifiques. Je sais qu'elles partagent un petit peu l'OST des fans, un petit peu de Final Fantasy. Ouais. Je suis pas fan, par exemple, de la musique One Armed Angel, où ça... c'est celle que j'avais déjà passée dans le spécial boss. Et je vais reprendre vite fait ce que j'avais dit à ce moment-là, c'est que je trouve qu'elle a surtout très mal vieilli, cette OST. Ouais, ça... Voilà, c'est... Ouais. Autant, à l'époque, je l'écoutais souvent, mais aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de mal, quoi. Bah c'est un peu l'époque où sur la PlayStation t'avais pas forcément de l'orchestral et c'était autant t'as le côté charme des 16 bits et après le côté orchestral sur les autres consoles. Donc là ça cul entre deux chaises un peu, c'est voilà, un petit peu vieilli peut-être. Voilà, donc il y a quand même des très très bons morceaux quand même sur l'OST, mais c'est vrai qu'elle a un petit peu vieilli et ouais, moi je garde un bon souvenir de FF7 et donc ce Fiddle the Chocobo avait bien sa place dans cette sélection de la joie. Désolé les amis. Allez, on bascule de nouveau dans la sélection de Rhône pour un jeu que je ne connais absolument pas. You know that. Mais quel jeu de taré, ce The Neverhood, sorti en 96 sur PC et sur PS1, c'est sur PS1 que je l'ai découvert. Alors, c'est un point and click, hein, une histoire d'une facture correcte. À vrai dire, je vais être honnête, je m'en rappelle plus très bien. Mais par contre, ce que je me rappelle, c'est de ce que mettait le jeu sur l'écran, parce que c'était complètement fou. On contrôlait un personnage qui était en pâte à modeler. En fait, tout était en pâte à modeler, hein. C'est comme Wallace et Gromit, si vous voulez. Et avec notamment des cinématiques qui étaient géniales, qui étaient vraiment comme des épisodes. Bah, je disais Wallace et Gromit, mais je pensais même au truc qu'on avait à l'époque, là où je sais pas si tu te rappelles, les deux espèces de petits chats, là, qui faisaient shpeng, miaou, shpeng, miaou. J'aurais peut-être pas dû faire cette petite citation. Ah, écoute, tu l'as sûrement très bien fait. Ouais, je suis sûr qu'il y a des auditeurs qui voient de quoi je parle. Ouais, alors, sortie de chapitre chapeau en pâte à modeler. On fera une émission spéciale. Tu peux le refaire ou... Ouais, bien sûr. Shpeng, miaou, shpeng, miaou. Alors, ça me dit absolument. La, la, la, la, la. Bon. Et donc, dans ce jeu, c'était ça qui était complètement dingue. C'était cet aspect, avec tous ces personnages en pâte à modeler, attirait immédiatement la sympathie. C'est complètement différent de tout ce qu'on peut voir par ailleurs. Et du coup, on avait envie d'avancer dans le jeu, de résoudre des énigmes parfois, si je me souviens bien, un peu tordues, pas forcément très limpides, mais tout passait, et tout passait notamment grâce à une musique absolument démentielle. Alors, le morceau que j'ai passé, c'est celui d'ouverture du jeu, hein. Donc déjà, ça vous met tout de suite dans l'ambiance, c'est hyper péchu, on comprend rien à ce que dit le mec, bien sûr, puisque c'est pas une vraie langue, sauf The Neverhood. J'ai décidé de chanter. Qu'est-ce que tu chantes bien? Ouais, là, j'ai décidé de chanter. Tu chantes super bien. Et toute l'OST est à l'avenant. C'est à nouveau une OST ultra bien produite où on sent des vrais musiciens derrière. C'est Daniel Amos et Terry Taylor qui sont derrière cette OST. Et c'est des vrais pros du rock and blues, de la country. Et ça se sent. Et ça met une énergie positive qui est hyper appréciable pendant qu'on joue, mais même après, quand on écoute la musique, immédiatement, c'est presque impossible de rester de mauvaise humeur en écoutant la musique de The Neverhood. Donc, pour moi, c'est un très bon représentant du sujet du jour. C'est un jeu joyeux et qui nous rend joyeux. Allez, je continue avec probablement ce qui est un poids lourd de la sélection. Every single day, stress comes in every way. I ain't got no time for nobody. My style is rich, dope, fat, and witch. We'll make a cake today that looks rich. Crack, crack, crack the egg into the bowl. Crack, crack, crack the egg Okay, yes, me, you gotta try. I'm doing this for years, but don't ask me why. Butter, butter, butter joins the bowl. Butter, butter, butter joins the bowl. We're making us a cake that you've never seen before. We're making us a cake that you've never seen before. Heat up the oven, now we're on a roll. Heat up the oven, now we're on a roll. Cheap, cheap, cheap's the name of my soul. Cheap, cheap, cheap's the name of your soul. The other day, I was called a little turkey. But I'm a chicken goddess, your beef jerky. Put the cake in the oven for a while. Put the cake in the oven for a while. Leave it there, come on, clean the pile. Leave it there, come on, clean the pile. Put the cake in the oven for a while. Put the cake in the oven for a while. Leave it there, come on, clean the pile. Leave it there, come on, clean the pile. Here, I got a little sample. Here, I don't have a sample. 'Cause ample time's just what we don't have. 'Cause money and time's just what we don't have. A chicken in the kitchen is making all the sound. The cake is done while we were sitting around. All we gotta do is apply the final touches. All we gotta do is apply the final touches. Take off the shrimp, the clam, and the perches. Take out the shrimp, the clam, and the perches. The perch goes here, the clam goes there. The perch goes here, the clam goes there. The little tiny shrimps just go everywhere. The little tiny shrimps just go everywhere. Whatever you like's in the middle, fiddle. Whatever you like's in the middle, fiddle. Seafood cake comes just like the riddle. Seafood cake comes just like the riddle. Okay, okay, that wasn't so hard, was it? No problem. Alors ça, si ça met pas de bonne humeur, tous ceux qui ont déjà joué à ce jeu, je suis sûr que quand vous écoutez l'émission là, vous étiez en train de chanter « Crack, crack, crack the egg into the bowl ».« Crack, crack, crack the egg into the bowl ». C'est impossible de ne pas chanter quand on écoute Parapaz The Rapper. C'est sorti en 96 sur PS1 et c'est un de mes jeux préférés de la PS1. Mais ouais. J'adore ce jeu, voilà. J'adore ce jeu, j'y ai passé un temps considérable. Donc c'était un des premiers jeux de rythme. Alors je suis pas un prof d'histoire de jeux vidéo, mais je crois vraiment que c'était, si ce n'est le premier, en tout cas dans les tout premiers jeux de rythme. En tout cas, il l'a popularisé à fond. C'est clair. Ouais. Et donc le principe, bon ben voilà, on rencontre des grands maîtres du rap et le petit Parapa, en gros, pour épater sa copine, hein, je crois que l'histoire, ça serait pour se résumer c'est à ça. la fleur. Ouais. Décide de devenir un rappeur et donc en appuyant sur les touches, on beau moment et même on pouvait faire un peu de freestyle aussi. Ouais. On peut terminer le jeu. Alors le jeu qui était un peu injuste, hein, des fois tu croyais que tu faisais vachement bien et tout, tu trouvais que t'assurais, puis lui il disait non, ça va pas. Et là t'as fait. C'est ça. Et tu recommençais, t'appuyais comme un bourrin, c'était pas en rythme et tout, ils trouvaient ça bien là, cette fois. Donc c'était pas toujours très raccord, mais en attendant, on s'amusait vraiment bien. Et la représentation visuelle était géniale aussi, c'était de la 2D comme dans Paper Mario. Ouais, c'est ça. Et que tous les personnages étaient en deux dimensions et tout se déplaçaient plat. En deux dimensions, tout plat quoi. Donc direction artistique du feu de Dieu également. Et qui permet au jeu de très bien vieillir d'ailleurs, je trouve. Exactement. Moi j'y ai joué il n'y a pas si longtemps par rapport et ça marche toujours bien. Et surtout sur le premier, parce qu'il y a eu des suites, sur le premier, les chansons sont mortelles. Je trouve que ça fonctionne très très bien. Encore une fois, la production est très soignée. En fait, il n'y a pas à chier, même quand on déconne pour faire de la musique, il faut que ce soit soigné, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est une certaine Michaela Burks qui a enregistré ce rap. Alors je donne son nom parce que je crois qu'elle a jamais rien fait d'autre et j'ai eu bien du mal à trouver son nom, pour tout dire. Et avec le recul, quand on entend Parapa rapper maintenant, notez bien cette petite voix aiguë, ce léger décalage, ces petites accélérations. Eh oui, en fait, Eminem a pompé Parapa le rap. Oh le salaud. Voilà, maintenant j'en suis sûr. Donc bon, je pense que ce jeu devait absolument être là comme représentant de jeux qui rendent joyeux pour le coup. Ah, au niveau bonne humeur, il se pose là-dessus aussi. Et franchement, si vous connaissez pas Parapa le rappeur, oubliez qu'il est sorti en 96. Essayez, je suis sûr que vous allez vous amuser avec ça. On va rester maintenant dans les jeux de rythme avec un autre représentant, lui aussi émérite et lui aussi qui est un as de la fête. Uno, due, tre, quattro. We'll be right back. Oh, je sais pas pour toi, Rod, mais moi, je suis trop bien dans ma jupe à plumes. Il s'y attendait pas, celle-là. Non, allez, on vient d'écouter Vamos a Carnaval de Samba de Amigo. Le jeu qui nous a tous les deux fait baver à l'époque avec ses baracas, qui coûtait super cher sur Dreamcast. C'est ça. Qui était super dur à trouver, il n'y avait quasiment pas d'exemplaires en France, du coup j'étais tech, j'étais triste, et donc je n'y ai jamais joué avec la version d'origine, et j'étais vraiment malheureux. Mais c'est un jeu qui défonce, encore une fois un jeu de rythme hyper foufou. Alors ce qui était bien avec les maracas, c'est que du coup on pouvait vraiment mettre les baracas vers le haut, sur les côtés, vers le bas, c'était repéré, ça marchait vraiment très très bien. La BO elle est juste festive, je pense que voilà, festive, c'est là, on parle de jeu, on parle de fête pour le nouvel an. Encore une fois, il y a des jeux comme ça qui sont faits pour faire la fête et pour amuser absolument tout le monde, et bah Samba de Amigo, ça en fait partie. Il l'avait ressorti sur Wii d'ailleurs, donc du coup avec les Wiimotes, ça marchait aussi plutôt bien. Enfin franchement, Samba de Amigo, je trouve ça un peu moins bien sur Wii, je vais être tout à fait honnête. Ouais, mais c'est parce que t'avais pas les maracas. Ouais, ça marchait un peu moins. Ouais, mais oui, t'avais pas les maracas. T'es un puriste, toi aussi. Hein, t'es un puriste, tu veux supprimer la joie des gens, c'est pas bien ce que tu fais. Les gens peuvent s'amuser avec une Wiimote, et alors, qui on est pour juger? Franchement, qui êtes-vous, monsieur, pour juger les gens qui s'amusent avec des Wiimotes? Non, non, ça me bat, je m'excuse. Voilà, c'est la joie, c'est la bonne humeur, on est là pour faire la fête, et donc, bah, vamos a carnaval! C'est parfait pour remuer bah, notre petit popotin comme ça, tranquillement. On bouge dans tous les sens, on fait la fête, on est là, on est bronzé, on est au soleil. Enfin, moi, je suis très blanc, je sais pas pour vous, mais c'est tant pis pour moi. Non, c'est très bien. Alors, on vient d'écouter une musique qui est vraiment hyper géniale, comme disent les gens à peu près cool, même si c'est hyper ringard ce que je viens de dire. Non, vamos à carnaval, c'est chouette. On vient vraiment de s'éclater. Et maintenant, une fois c'est qu'on a bien bougé. Voilà, c'est bat. Exactement. C'est super bat. Et maintenant qu'on a bien bougé, qu'on a bien remué, je sais pas pour toi, mais moi, j'ai un petit peu la dalle. Alors, Ron, il y a plusieurs choses dans la vie qui permettent d'être heureux. La drogue? Alors, ça peut en faire partie. Alors, c'est un peu de la fausse joie, la drogue, parce que du coup, ça t'éloigne un petit peu des choses palpables de la vie. Voilà, c'est pas bien. On va mettre un petit truc en dessous, mais vous ne le verrez pas, parce que c'est une émission audio. Alors, il y a plusieurs choses, et je sais pas pour toi, mais bien manger, ça fait partie, moi, des choses qui me rendent heureux. C'est vrai. On est là, on est à table. On mange tous ensemble, on sert un petit verre, on mange, on discute, etc. Mais avant même de manger, il y a une étape importante quand même. C'est faire à manger. Et pour ça, je suis vachement moins bon. Et donc, il y a un jeu qui a été fait pour nous, les personnes qui ne savent pas faire à manger. Ça s'appelle Overcooked. Et c'est un peu une des découvertes multijoueurs. Alors, c'est sorti sur énormément de consoles, sur PC, sur Xbox One, sur PS4. Et il vient d'y avoir une version Switch. Et en fait, pour ceux qui ne connaissent pas Overcooked, c'est un jeu 100% coopération, où on doit donc préparer des plats, et du coup chaque personne va avoir un rôle dans la cuisine. Il va falloir comme ça se répartir les tâches et de faire passer les plats le plus rapidement possible. Donc c'est un jeu qui est vraiment vraiment vraiment rigolo. Je vous conseille là aussi, pour le même des personnes encore une fois qui n'ont pas l'habitude du jeu vidéo, c'est parfait. Du coup on se rassemble tous autour de la console et on commence à s'amuser. Alors c'est aussi le genre de jeu, tu sais, qui met un petit peu la panique. Vas-y, pourquoi tu fais ça? Vas-y, faut aller là-bas. Ah, c'est le coup de feu, c'est le coup et de feu. Voilà, exactement. On est vraiment dans l'adrénaline et la musique, je trouve, est vraiment raccord avec l'ambiance du jeu, qui est un petit peu cartoon comme ça. Et c'est aussi une découverte, justement, la musique d'Overcooked, parce que le jeu comme ça paye pas forcément de mine de loin, parce que c'est pas le plus beau jeu du monde, mais c'est un jeu qui vraiment qui utilise un concept, qui l'utilise à fond et qui le fait très très bien. Et la musique qu'on vient d'écouter, bah moi je la trouve vraiment excellente. C'est clair. Voilà, c'est une musique hyper guirette et qui en même temps garde un petit peu la pression comme ça sur le jeu, parce que je trouve qu'il y a une belle évolution dans la musique du jeu. Et c'est une belle révélation pour moi, cette musique d'Overcooked, et pareil pour le jeu, qui est vraiment un des jeux multijoueurs qui a vraiment émergé comme ça avec le bouche à oreille petit à petit, qui a su s'imposer dans le jeu indépendant sur la plupart des machines. Donc moi je vous conseille le jeu, je vous conseille d'écouter la musique, et puis je vous conseille de manger tranquillement en famille, entre amis, parce que c'est toujours des moments hyper agréables. Allez, on est bien, et puisqu'on est bien là tous ensemble, on va encore une fois partir vers un jeu qui peut se partager à plusieurs, et encore une fois avec une BO de grande qualité dans un univers très coloré. Comment ne pas parler de Rayman sur le sujet du jour ? Pour moi, c'était juste impossible. Alors, comme j'aime beaucoup cette série, j'ai déjà passé plusieurs morceaux de Rayman, donc j'ai cherché un Rayman dont j'ai pas passé de morceaux encore. Hein. Et c'est le cas de Rayman Legends, qui est sorti en 2013, avec ce morceau Fiesta de los Muertos. J'aurais pu en passer 10 des morceaux de l'OST de Rayman Legends. Comme pour celle d'Origins, Christophe Herald nous a sorti un boulot de malade. Les musiques sont mieux les unes que les autres, c'est kiffant sans arrêt. Et puis, il y a cette ambiance Rayman, où c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure pour Mario Creepers. Chez Rayman, rien n'est bien grave. On a que des personnages qui sont plutôt rigolos. Le jeu est vachement dur, mais il est dur, cool. Tout le monde a l'air de s'amuser pendant le jeu, il y a des couleurs de partout. Il y a un côté un peu taré, moi j'aime bien le côté un peu... je trouve pas le mot, t'es un petit peu nerveux, il y a un côté un peu, tu sais, plus explosif que les Mario, tu vois, ça va beaucoup plus vite, y a les persos, c'est un petit peu plus hystérique, mais il y a un truc que j'aime bien chez Rayman, ils ont vraiment réussi avec les nouveaux Rayman à apporter quelque chose de nouveau, voilà, un vrai ton différent. Et c'est, moi je trouve ça super agréable, c'est des jeux qui sont, comme je disais, qui sont difficiles, donc parfois on peut même s'énerver quand on y joue, mais très franchement... je trouve qu'on est bien quand on joue à Rayman. Moi, ça correspond vraiment bien au sujet. Ça me met en joie quand il y a un Rayman. Rien que de voir les graphismes, c'est super beau. Il y a une direction artistique qui est folle. Voilà quoi. Rien que pour ça, ça le fait quand même. Et les musiques. Les musiques de Rayman. Non, mais un jour, il faudrait faire une émission Rayman en fait. Bon, il y aurait juste à appuyer sur on et on laisse passer. C'est un peu ça. À vrai dire, ce qui est difficile, c'est de trouver le morceau à passer et de ne pas en passer 36. Quoi. J'aime bien les reprises qu'ils ont fait. Il y a des morceaux musicaux dans Rayman Legends. Il y a des reprises, je crois qu'il y a Eye of the Tiger, non ? Absolument. Dans des niveaux musicaux, ça envoie le bois, quoi. On dirait que tout est bien fait. Enfin, c'est fou. Le morceau qu'on vient de passer, moi, je l'adore. Il me fait penser à Buena Vista Social Club. Tu sais, où t'avais les vieux qui jouaient de la guitare et qui, en fait, reprennent une mesure qui est pratiquement toujours la même et pendant 5 minutes et c'est jamais chiant et t'as envie que ça s'arrête jamais et le Fiesta de los Muertos pour moi c'est ça, c'est vraiment l'impression que ça me fait. Voilà, c'est l'illustration de à quel point les musiques de Rayman c'est formidable. Si vous écoutez la Beatsbox et que vous êtes quand même intéressé par les musiques de jeux vidéo, un petit peu, peut-être pas au point d'acheter des albums, faites une exception quand même pour Rayman. Écoutez-le, vous allez voir de quoi je parle, je suis prêt à parier que vous allez aimer. En plus, Christopher Hall, c'est un mec adorable, j'ai eu l'occasion de l'écouter dans plein d'émissions, vraiment il parle avec passion de son boulot de compositeur, et tu vois vraiment que c'est quelqu'un qui est à l'écoute et qui adore ce qu'il fait, et ça s'entend dans ses musiques en tout cas. Et voilà, c'était donc la conclusion de toute cette émission, pleine de joie, pleine de bonne humeur, pleine de bons sentiments. En fait, on est des gens très cool, Creepers. Bah bien sûr qu'on est cool, en plus c'est la fin de l'émission, mais faut pas être triste parce que... Finalement, une émission en appelle une autre, forcément, et on va revenir en 2018, donc ça va être génial parce qu'on va lancer une nouvelle année, on va arriver avec des nouvelles musiques, des nouveaux thèmes, et en plus on sera, moi, peut-être reposé, ça va pas me faire de mal, de me reposer un petit peu après les fêtes, mais moi j'ai passé un super moment, comme d'habitude, j'ai passé une très bonne année 2017 en ta compagnie, Ron. On a passé des bons moments ensemble, on a passé plein de musique quand même. C'est vrai. Pendant cette année 2017, et je vous promets qu'on va en diffuser encore plein d'autres l'année prochaine, ce n'est que partie remise, comme on dit, hein, la fin de l'année, ça va s'enchaîner vers un nouveau mois de janvier, c'est comme ça, et on ne pourra pas faire autrement, et ça va être cool. Alors on va pas se quitter comme ça, hein, pour terminer en sous forme de générique, on va dire. On voulait vous passer un morceau qui est vraiment un représentant de la joie pour nous deux. C'est le morceau Sky High de Daytona, alors dans sa version Saturn, hein, qui est ma préférée personnellement, avec ce type qui est tellement heureux de chanter qu'il crie son bonheur quand il chante. Donc habituellement, dans la Beatsbox, je laisse toujours seulement une vingtaine de secondes en générique. Là, je vous le dis tout de suite, je vais laisser plus longtemps parce qu'il faut qu'on l'entende faire exploser sa joie à la face du monde. Et je pense que c'est une superbe façon de conclure cette année. Et comme le disait Creepers tout à l'heure, il ne nous reste plus qu'à vous dire, eh bien, au mois de janvier, à l'année prochaine. Profitez bien et à bientôt.